chaque jour, je me réveille sans en avoir envie. Maman, crois-moi, elle est bye depuis que t'es parti. Je ne vois plus de rayons de soleil à travers la vitre. Je ne trouve plus le sommeil, chaque nuit est horrible. Maman, dis-moi pourquoi je me sens si vide. Je me sens si vide. Je me sens si vide. Je m'appelle Sam, j'ai 13 ans, une fois de plus. Je me lève sans en avoir la moindre envie. Certainement pas le sourire aux lèvres. Seul souvenir me délivre de cette amertume oppressante. Et ma seule raison de vivre, je n'en parle plus au présent. En classe, je fais partie des plus mauvais élèves. Maman, sache que tout est différent depuis que tu es parti. Et dans mon plus beau rêve, pour te rejoindre dans les airs, je m'élève. Tu étais celle qui me donnait la force, le courage et l'envie. En cours, ça va très mal, j'ai si mal. Maman, je n'ai certainement pas la tête au travail. La chute de mes notes n'a d'égal que celle de mon moral. Crois-moi, depuis ta mort, je ne veux plus être en vie. J'ai besoin de ton amour, tout comme le reste de la famille. Petite sœur pleure à l'école et papa se noie dans la gueule. Chaque jour, je me réveille sans en avoir envie. Maman, crois-moi, elle est pareille depuis que t'es parti. Je ne vois plus de rayons de soleil à travers la vie. Je ne trouve plus le sommeil, chaque nuit est horrible. Maman, dis-moi pourquoi je me sens si vide. Je me sens si vide. Je me sens si vide. Je ne vois plus de rayons de soleil. Je ne dors pas sur mes deux oreilles. Papa n'est pas là pour nous soutenir. Et son état empire, c'est de pire en pire. Ma petite sœur pleure chaque heure la mort de sa pauvre mère qu'elle ne voulait pas voir partir. Plus le temps passe, plus je me sens sur le fil du rasoir. Je sens mon cœur enseveli par le désespoir. Plus rien ne m'atteint. Je me sens vide, je ne pleure même plus. Mon père ne me voit plus et je crois même que ma petite sœur ne m'aime plus. Avant que tu passes, je me sentais déjà mal. Ma vie n'était pas rose, mais tu me remontais le moral. Hélas, de là où tu es, tu ne le peux plus. Et plus rien à faire, au fond tout ça m'est égal. Je veux juste qu'on me rende ma mère. Je sais bien qu'en me plaignant, je ne te rendrai pas fier. J'espère que tu ne verras pas ce que je m'apprête à faire. Chaque jour, je me réveille sans en avoir envie. Maman, crois-moi, elle est pareille depuis que t'es partie. Je ne vois plus de rayons de soleil à travers la vie. Je ne trouve plus le sommeil, chaque nuit est horrible. Maman, dis-moi pourquoi je me sens si vide. Je me sens si vide. Je me sens si vide. Moment où j'allais partir, j'ai fait ce rêve si étrange. J'ai l'impression qu'elle m'a parlé. Je crois bien qu'elle est mon ange gardien. J'ai perdu conscience et ça m'a fait prendre conscience que la vie continue et tout ce qu'elle souhaite au fond c'est qu'on silence. Puis après un long silence, je me suis réveillé et de toute évidence, je n'étais pas le seul à l'être, car mon père était là. Et puis ses yeux brillaient, puis il me demandait si j'avais lu sa lettre. Je ne sais pas de quoi il parle, mais ça n'a pas la moindre importance, car une nouvelle vie s'annonce et je suis déjà en partance. C'est à mon tour maintenant de veiller sur ma sœur, d'arrêter une fois pour toutes de m'apitoyer sur mon sort. Malgré son départ, on doit penser au lendemain, même si les nuits nous paraissent longues, tout comme ce triste chemin. Le fait qu'elle soit partie ne signifie pas qu'on en est au bout. La vie est finie pour elle, mais elle continue pour nous.